Deuxième partie, Marie-Claire répond au téléphone. Oui? Qui est-ce? C'est moi, Paul. Tu as une drôle de voix. Je croyais que c'était quelqu'un d'autre. C'est parce que je suis fatiguée. Je suis allée au lit à 5 heures du matin et je me lève à l'instant. Je ne fais que bâiller. Tu en as de la chance. Oh, tu gémis tout le temps. Si tu continues comme ça, tout le monde va te fuir. C'est bien le cas. Valérie me fuit. Mes parents me fuient. Naturellement. Valérie s'intéresse plus à Georges Louvier qu'à toi. Mes parents, eux, passent toutes leurs soirées soit au cinéma, soit au théâtre. Si seulement ils m'emmenaient avec eux.